Oui, ben moi, la façon que je vois ça, c'est une gestion de crise. Donc, en lien avec la menace de virus, on amène des gens à accepter un passeport pour aller au restaurant, que ce soit au Québec ou en France. Et là, au nom de la menace des changements climatiques, on va sans doute amener des gens à accepter un passeport pour se déplacer en voiture, puis d'accepter d'être surveillés dans leur déplacement en automobile, leur consommation à domicile avec un compteur intelligent. Et les amener entre autres à manger des insectes. Ben là, ça, c'est. Gars, là, ils vont finir par vouloir qu'on mange les morts. Mais si c'est un geste éco-responsable, en tant que bon C'est ça. écologique, je m'y opposerai pas. Bon, mais Là, je fais l'affaire, c'est des parce farces, là, que. c'est pas, c'est de l'ironie que je fais, là, mais je veux dire, C'est comme l'être humain, là, au niveau de. on va avoir nos biscuits verts tantôt. Ouais, c'est ça. Les soleils verts. Ben, l'être humain, par rapport à son développement et son évolution, il n'est pas fait pour manger des vers de farine. Mais T'sais, pourtant, donc, il y a de quoi ouais. là-dedans que. Non, non, ça n'a rien à voir. Dans le fond, c'est plus une industrialisation de l'être humain en tant que bétail. On veut le nourrir avec de la moulée. Moi, c'est comme ça, je le vois. Comme un élevage de porcs. Les porcs, ils reçoivent le vaccin tous les temps de mois, ils mangent de la moulée, puis bon. Ben, si tu standardises si tu standardises ta porcherie, ben, elle va être plus rentable. C'est parce que tant qu'à faire, pourquoi on ne lui fait pas manger leur propre marde? Ça, si on regarde, là, ça va être encore mieux que pour les insectes. T'sais, si on le regarde, là, quand on calcule ça, là, avec une livre de marde, on fait tant de grammes de viande, puis c'est encore mieux que les insectes, là. Puis là, quand le gars, il meurt, et le gars, il mangeait des insectes, puis là, rendu à 60 ans, l'espérance de vie rendue à 60 ans, là, il meurt, là, on refait en plus de la bouffe avec. Ben comme dans le film de science-fiction Soleil vert. Ben, dans le fond, là, on regarde, là, comme là, on nous parle, la façon la plus écologique de se débarrasser d'un cadavre. La façon la plus écologique de se débarrasser d'un cadavre, c'est de l'enterrer. Ben là, on parlait de la crémation avec de l'eau, dans l'eau, Ouais, là. là, c'est l'exhumation. Ça, c'est comme dans le temps quand un tueur en série ou un mafieux, il dissolvait des cadavres dans l'acide, puis après, il vidait ça dans les égouts. C'est ça, l'exhumation. Ça prend des produits chimiques alcalins pour dissoudre les corps. Ça vire en une espèce de bouette, là. Que ça sent. Il faut que ça soit dans des affaires fermées parce que c'est insupportable, l'odeur. Puis envoyer ça dans les eaux. C'est pas mal pire que d'enterrer quelqu'un, là, au niveau de l'environnement. Ça n'a aucun sens. C'est dissoudre des corps comme on le faisait pour se débarrasser des Ben, en Inde, cadavres on le dans le faisait temps. dans le Gange. Bon, ben là, ça, c'était lié à leur croyance, mais c'était de la crémation. Non, c'est vrai, il était brûlé, puis c'était les cendres Ouais. qui étaient envoyées dans le Gange, tandis que Ben là, il là. manque de bois, fait qu'il envoie les cadavres à moitié brûlés. Puis t'as plein de cadavres dans le Gange qui flottent. Puis là, les pèlerins, ils vont se purifier dans le Gange à travers les cadavres. Mais là, c'est ça, s'il brûle pas complètement, ben. C'est sûr qu'à quelque part, c'est dégueulasse quand Ben, tu c'est penses à sûr que c'est ça. dégueulasse, mais ça a tout à été dégueulasse, le Gange. Tant Ouais. qu'à moi, là. Dans le sens que c'est une culture de main. Mais là, c'était un peu ça comme la crémation dans le temps, on faisait pas ça en Occident. C'est la Blavatsky qui a ramené ça de l'Inde. Ils ont fondé une société pour le droit à la crémation des corps à New York. Puis c'est un de leurs donateurs qui était le premier à se faire brûler. Puis ils l'ont brûlé comme en Inde, là. Ils l'ont mis sur un espèce de bûcher, là, que c'est du bois empilé, puis ils l'ont brûlé. Mais il reste que. Moi, je vois pas, j'ai de la misère à comprendre l'intérêt des affaires de même si c'est pas pour, jusqu'à un certain point, venir changer la mentalité des peuples occidentaux. Parce que dans le fond, je veux dire, il n'y a rien de moins polluant dans le fond, puis de plus simple que le cadavre, on l'enterre.